Bonjour. Bonjour, nous sommes vos nouveaux voisins. Bonjour, enchanté. Vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Zoé. Moi, c'est Benjamin. Nous avons trois enfants, un garçon et deux filles. Le garçon s'appelle Jules, la grande fille Rose, et le bébé s'appelle Louise. Bienvenue à tous les cinq. Merci. Bonne journée.